إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، اعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام ودعائمه الخمس، وفرض من فروضه دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وهو فرض عين على كل متكلف، على كل مكلف المستطيع مرة واحدة في العمر، ومن أنكر وجوب الحج فقد كفر والعياذ بالله. والأدلة من ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى آيات عديدة، منها قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومنه قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومنه قوله تعالى في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ففي هذه الآيات صريحة في إيجاب الحج، حيث قال تعالى: ولله على الناس، وكلمة على إيجاب، وقال تعالى: ومن كفر، أي ومن كفر بوجوب الحج، وقال تعالى: وأذن في الناس بالحج، أي أدعهم وناديهم إلى حج البيت، وقيل أعلمهم أن الله فرض عليهم الحج بدليل قوله تعالى: يأتوك رجالا. وقال أحد العلماء بعد سياق هذه الآية: ولله على الناس حج البيت، قال علماؤنا: هذا من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب، إذ قال العربي لفلان: علي كذا، فقد وكده وأوجبه. وقال علماء آخرون: فذكر الله الحج بأبلغ ألفاظ الوجوب تأكيدا لحقه، وتعظيما لحرمته، وتقوية لفرضه. Chers musulmans et musulmanes, sachez que le pèlerinage est une obligation des plus importantes en islam. Le pèlerinage de la maison sacrée fait partie des cinq piliers de l'islam. Il fait partie des bases essentielles et primordiales de cette religion sublime, et prouve cela, c'est-à-dire l'obligation de faire le pèlerinage. Le livre d'Allah ainsi que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est également l'unanimité des savants de l'islam. Et le pèlerinage est obligatoire pour toute personne qui en a les possibilités physiques et morales, Et celui également qui a la possibilité de voyager, et c'est une obligation pour lui d'accomplir le pèlerinage au moins une seule fois dans sa vie. Et celui qui renie l'obligation de faire le pèlerinage entre dans une mécréance certaine, wal'iyadu billah. Quant au verset où Allah Azza wa Jal nous ordonne de faire le pèlerinage, il y a la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Imran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: c'est un devoir envers Allah pour les gens de faire le pèlerinage de la maison, pour celui qui en a les possibilités, et celui qui mécroit, Allah n'a nul besoin des mondes. Quant à celui qui mécroit, à celui qui renie l'obligation de faire le pèlerinage, eh bien Allah Azza wa Jal n'a besoin ni de lui, ni de l'ensemble des mondes. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Sourate Al-Baqarah, « Wa atimmu al-hajj wa al-umrata lillah » et accomplissez le pèlerinage et la umra pour Allah. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Al-Hajj, lorsqu'il parle à Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: et fais aux gens l'annonce pour le hajj, ils viendront vers toi. Fais l'annonce, c'est-à-dire appelle-les à ce qu'ils fassent le pèlerinage. Et d'autres savants ont expliqué ce verset en disant qu'Allah Azza wa Jal a voulu dire par cela: informe les gens, enseigne-leur l'obligation d'accomplir le pèlerinage. Ces versets sont donc une preuve irréfutable de l'obligation d'accomplir le pèlerinage pour celui qui en a les possibilités et la capacité. ومن الأدلة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام لمن استطاع إلى ذلك سبيلا كما في الصحيحين. ومنه ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس قد فرض الله لكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، كما في صحيح مسلم. ولقد أفاض القرآن الكريم والسنة في فضل الحج، ووردت فيه النصوص الكثيرة التي ذكرنا طرفا منها فيما سبق، ونذكر هنا ما لم نذكره مما يختص في فضل الحج. Il y a également des preuves dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'obligation d'accomplir le pèlerinage. Parmi ces preuves, le hadith de Abdullah ibn Omar rapporté dans le Bukhari et Muslim, où il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam est basé sur 5: l'attestation qu'il n'est de vraie divinité qu'Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, de jeûner le mois du ramadan et de faire le pèlerinage à la maison sacrée pour celui qui en trouve le chemin. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il y a un autre hadith rapporté par Muslim, selon Abu Huraira radiallahu anhu, il dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a exhorté un jour et a dit: ô vous les gens, Allah vous a obligé, ou Allah a rendu obligatoire pour vous le pèlerinage, faites donc le pèlerinage. Et un homme a dit: ô envoyé d'Allah, est-ce que cette obligation, ou devons-nous le faire tous les ans, ô envoyé d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu, et cet homme l'a questionné à 3 reprises. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam à chaque fois s'est abstenu de répondre. Puis au bout de la 3e fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si j'avais dit oui, eh bien, le pèlerinage serait obligatoire tous les ans et vous ne pourriez pas. Puis le prophète sallam a donné un conseil à ses compagnons en leur disant, laissez-moi avec ce que je vous ai ordonné, car ceux qui vous ont précédé ont connu la perte lorsqu'ils posaient trop de questions à leur prophète et lorsqu'ils le contredisaient dans ce qu'il leur ordonnait. Puis le prophète sallam a dit, lorsque je vous ordonne une chose, faites-en ce que vous pouvez, et lorsque je vous interdis une chose, abstenez-vous-en. Et le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam montrent les bienfaits du pèlerinage. Ces bienfaits qui peuvent être déduits des sources que l'on a citées précédemment. Mais il y a des sources plus précises que l'on va citer par la suite. Al-Hajju yahdimu ma qabla kama fi حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك لأبايعك فبسط يمينه فقال فقبضت يدي قال ما لك يا عم قال قلت أردت أن أشترط قال تشترط بماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله والحج يعود بعد حجه كيوم ولدته أمه كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لحديث qui montre les mérites du pèlerinage. Parmi ces hadiths, il y a le hadith de Amr ibn al-As رضي الله عنه, dans lequel le prophète صلى الله عليه وسلم nous informe que le pèlerinage efface tous les péchés qu'aurait pu commettre la personne. Le hadith de Amr ibn al-As, radiallahu anhu, lorsqu'Allah Azza wa Jal l'a comblé et lui a donné la faveur d'entrer et d'embrasser cette religion, Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhu, raconte ce récit et dit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait entrer l'islam dans mon cœur, je me suis dirigé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai dit, tends ta main droite afin que je te fasse le pacte d'allégeance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tendu sa main droite, puis Amr ibn al-As a retenu sa main et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'as-tu ô Amr? Il a dit, je veux donner une condition. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, quelle est ta condition? Il a répondu, c'est que tous mes péchés soient pardonnés. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ne sais-tu pas que l'islam efface tout ce que aurait pu faire la personne auparavant? Ne sais-tu pas que l'émigration, que celui qui émigre, qui fait la hijra pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah lui pardonnera les péchés qu'il aura fait auparavant? Et ne sais-tu pas que le pèlerinage efface ce qu'aurait pu faire la personne auparavant? Également, celui qui fait le pèlerinage reviendra de son pèlerinage comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Selon Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait le pèlerinage de cette maison sans proférer des paroles obscènes et sans avoir des rapports avec son épouse, il reviendra de son pèlerinage comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, entre la Umrah et la Umrah, il y a une expiation des péchés et le pèlerinage bien accompli n'a d'autre récompense que le paradis. ومن فضائل الحج أن الحجاج والعمار وفد الله إن سألوه أعطاهم وإن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم ونفقتهم في سبيل الله وهي مخلوفة عليهم وهم معانون في أداء النسك. وأخيرا فإن الله يباهي بالحجاج ملائكته في صعيد عرفات ويتجلى لهم ويقول انصرفوا مغفورا لكم إنه لفضل عظيم ونعمة كبرى أن ينصرف الحاج من هذا الموقف العظيم مغفورا له وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Également, parmi les mérites du pèlerinage, c'est que le pèlerin est considéré comme un invité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il invoque, Allah subhanahu wa ta'ala leur répond. Lorsqu'il demande le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla leur pardonne. Et également, l'argent qu'ils ont dépensé pour accomplir leur pèlerinage est un argent et de l'argent qu'ils ont dépensé dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla les soutiendra et les aidera durant leur rite. Et également, parmi les mérites du pèlerinage, c'est le jour de Arafat, le 9e jour de Dhul Hijjah, où Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à ses anges en leur disant « Attestez ou soyez témoins que j'ai pardonné à toutes ces personnes. » C'est donc un grand mérite que de partir ce 9e jour de Dhul Hijjah en ayant ses péchés pardonnés. C'est un mérite que Allah azza wa jalla accorde à qui il désire. « Wa ibadatul islam » وشعائره تهدف كلها إلى خير المسلمين في الدنيا والآخرة ومن هنا كان الحج عبادة يتقرب بها المسلمون إلى خالقهم فتصف نفوسهم ويلتقون على المودة يربط بينهم الإيمان رغم تباعد الأقطار واختلاف الديار والمتأمل في نصوص الكتاب والسنة الخاصة بالحج إذا جمع معها ما يلمسه في الواقع المشاهد خلال أداء فريضة الحج تتجلى له الأهداف التالية. أما الهدف الأول أن الحج امتثال لأوامر الله واستجابة لتعاليمه تتجلى فيه الطاعة الخالصة والإسلام الحق. وصدق الله عز وجل إذ يقول ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وكذلك من أهداف الحج أن في الحج تأسيس أو تأس بأبينا إبراهيم عليه السلام. لقد أمر الله أبانا إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج وكتب الله لمن شاء من عباده أن يلبوا هذا النداء رجالا أو ركبانا. ففي الحج اقتداء بالصالحين وتأس بمن أمرنا الله أن نتأسى بهم ونجعلهم قدوة حسنة لنا كما قال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه وقال تعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Et celui qui raisonne et qui médite dans les versets et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le pèlerinage, verra que les buts de ce pèlerinage sont nobles. Parmi ces buts, il y a le fait de répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a ordonné Ibrahim alayhi salam d'appeler les gens à accomplir le pèlerinage. Eh bien, sache qu'Allah azza wa jal accorde sa faveur à ceux qui répondent à cet appel. Et également, il y a dans celui qui fait le pèlerinage ou celui qui accomplit le pèlerinage fait partie de ceux qui suivent comme exemple ses pieux prédécesseurs et à leur tête le prophète Ibrahim alayhi salam. Comme Allah azza wa jalla dit, il y a certainement dans Ibrahim et ceux qui ont cru en lui le meilleur des exemples à suivre. والحج فيه ارتباط بمهبط الوحي والحج رحلة إلى الديار المقدسة. مهبط الوحي وتنزيل الشريعة وكلما ارتبط المسلم بهذه البقاع الطاهرة كلما كان أقرب إلى الاقتداء بالرعيل الأول الذين جاهدوا في سبيل الله وبلغوا شرعه إلى أنحاء المعمورة وشتان بين مسلم يرتبط قلبه بمهابط الوحي ومنازل التشريع ومسلم يتعلق قلبه هنا أو هناك خلف عرض زائل. Parmi également les buts du pèlerinage, c'est d'avoir des liens directs et de se rendre dans les lieux sacrés d'Allah subhanahu wa ta'ala, les lieux dans lesquels les législations ont été révélées aux différents prophètes. Le musulman qui s'attache à ces lieux saints, aux lieux où sont descendues les révélations, eh bien, il n'y a nul doute que son cœur sera rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala et que les actes pieux s'en feront suivre. Il y a donc une grande différence entre une personne qui s'attache au lieu d'origine, aux lieux saints qui sont la source des révélations, et à une autre personne qui ne connaît pas ces lieux et au contraire s'attache à des lieux futiles qui ne lui apportent aucun bien. وكذلك من أهداف الحج أن المساواة بأسماء صورها الواقعية، وذلك في صعيد عرفات حينما يقف الناس موقفا واحدا لا تفاضل بينهم في أي عرض من أعراض الدنيا الزائلة، بل التفاضل والفوز والفلاح بالتقوى أو بالتقى. يقول الله جل وعلا مؤكدا هذا المنهج السام في الإسلام: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكذلك الحج يذكر المسلم بيوم القيامة، بيوم لقاء الله تبارك وتعالى، وذلك إذا تجرد الحاج من ثيابه ولبى محرما ووقف بصعيد عرفات ورأى كثرة الناس ولباسهم واحد ويشبه الأكفان، فهنا تجول بالخاطر مواقف سيعترض لها المسلم بعد وفاته، فيدعوه ذلك لاستعداد لها وأخذ الزاد قبل لقاء الله. Et également, celui qui accomplit le pèlerinage verra comment les musulmans sont égaux, et que durant le pèlerinage, et en particulier le jour d'Arafat, les gens sont sur le même piédestal. Ils sont sur le même piédestal, le riche comme le pauvre, le blanc comme le noir, le petit comme le grand. Ils ont tous le même vêtement. Ils se trouvent tous dans le même endroit et dans des situations comme celle-ci. Le musulman se rend compte alors que l'ensemble des musulmans sont sur le même piédestal et sont au même niveau, et que ce qui les différence, ce n'est pas leur richesse, mais c'est la piété, comme l'a dit Allah Azza wa Jal: le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus pieux envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, celui qui se rend en pèlerinage, et en particulier le jour d'Arafat, cela le fera rappeler le jour du jugement, le jour où Allah Azza wa Jal rassemblera les premiers et les derniers dans un seul et même endroit. Car le jour de Arafat, tout le monde est rassemblé dans un seul et même endroit. Tout le monde a le même vêtement, est habillé de la même façon. Et ce vêtement rappelle le linceul qui est de couleur blanche. Eh bien, dans une situation comme celle-ci, le musulman se rappelle le jour du jugement. Et il se prépare à ce jour en accomplissant des actes pieux et des piétés vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Il y a donc un bien immense d'accomplir le pèlerinage, et le musulman verra des choses qu'il ne verra dans aucun autre endroit au monde. Wa kadhalika min ahdaf al-hajj anna al-hajj yajma'u an-nas 'ala mabda' at-tawhid fi al-hajj tatajalla صور التوحيد لدى المسلمين، فهم أولى يتوافدون على الديار المقدسة ويجتمعون في أماكن محدودة ويناجون ربا واحدا ملبين للنداء مذعنين للأمر تحت اللواء، ويرفعون كلمة التوحيد ويعتصمون بحبل الله المتين. وصدق الله عز وجل إذ يقول: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه. Également, Celui qui se rend en pèlerinage connaîtra un des sens de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car les gens, à travers leurs origines diverses, à travers leurs langues variées, eh bien, ils se réunissent dans un seul et même endroit et sont venus pour Allah subhanahu wa ta'ala, la seule divinité qui mérite d'être adorée subhanahu wa ta'ala. Et tout ceci en faisant la talbiyah, qui est de dire labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Dans des situations comme celle-ci, le musulman se rend compte que cette communauté est une communauté unique et soudée, quelles que soient les origines, quel que soit le pays où les personnes vivent. Eh bien, l'islam les réunit et fait d'eux une seule et même communauté qui adore un seul et même Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ثم اعلموا أيها المسلمون أن الحج نقطة يتحول أو تتحول فيه حياة الحاج يزداد به خيرا وتقوى وصلاحا ولذا أشار القرآن الكريم إلى أنه ينبغي للحاج أن لا ينسى مواقفه الضارعة في الحج وأن يستمر في تعليقه بربه وإنابته له كما قال سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا والحج الذي يبقى أثر الحج في نفسه ويعود منه وقد تحسن حاله واستقام أمره وأقبل على طاعة ربه هو الذي يرجى أن يقبل حجه فالله لا يقبل العمل إلا من المتقين كما قال سبحانه إنما يتقبل الله من المتقين. Également, le pèlerinage est souvent un point après lequel la vie du musulman change, la vie du pèlerin change, car en revenant de son pèlerinage, la personne sera plus pieuse vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa foi augmentera et par conséquent, ses actes pieux seront plus abondants et plus fréquents. C'est pour cela qu'Allah azza wa jal nous a exhorté à cela. Lorsque le pèlerinage se terminera, de ne pas oublier tous les moments forts que le pèlerin aura vécu, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque vous avez terminé vos rites, rappelez-vous Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelez-vous Allah subhanahu wa ta'ala afin d'être dans cette continuité, dans cette piété que vous avez connue durant ce pèlerinage. Et le pèlerin qui revient en étant touché, en ayant les effets du pèlerinage sur lui, eh bien, il sera sur le droit chemin. Et sa situation vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal s'améliorera sans aucun doute. Et il y a dans cela un signe, ou il y aura dans cela un signe, que son pèlerinage est accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah n'accepte que des pieux, comme l'a dit subhanahu wa ta'ala. Allah n'accepte que des gens qui sont pieux. Ayyuhal muslimoun, alladhina lam ya'zimu ala al-hajji hada al-aam, sawa'un ممن حج أو لم يحج سأقرأ عليكم حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عسى أن يحرك الهمم والذي تردد لعله يعزم على الحج هذه السنة. Chers musulmans, celui qui n'a pas, qui ne s'est pas préparé ou qui n'a pas l'intention de faire le pèlerinage cette année, pour ceux qui l'ont déjà accompli ou pour ceux qui ne l'ont jamais accompli, je vais vous lire un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam un seul hadith en espérant que cela va faire réfléchir ceux qui ont la possibilité de faire le pèlerinage cette année mais ne le font pas par feignantise ou par manque de crainte envers Allah Azza wa Jal, car celui qui a la possibilité de faire le pèlerinage et ne le fait pas commet un grand péché. Wal'iyadu billah. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن الذي حسنه الألباني في صحيح الترغيب أو في الجامع الصغير قال صلى الله عليه وسلم أما خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام فإن لك بكل وطأة تطوها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة أما وقوفك بعرفة فإن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول هؤلاء عبادي جاءوني شعثا أو شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني فلو كان عليك مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك وأما رميك الجمار فإنه مدخول لك وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. البروفيت صلى الله عليه وسلم أجد الحديث جوجيبو بار شيخ الألباني رحمه الله تعالى lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم s'est adressé à l'un de ses compagnons, il lui a dit, lorsque tu sors de chez toi pour te diriger vers la mosquée sacrée, vers la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour accomplir ton pèlerinage, eh bien, dans chaque pas que tu feras, Allah azza wa jal te pardonnera un péché et t'effacera. Allah azza wa jal t'accordera une bonne action et t'effacera un péché. Et quand à la station de Arafah, Allah Azza wa Jal descendra aux cieux le plus bas et s'exprimera et dira à ses anges, ce sont mes serviteurs qui sont venus décoiffés, pleins de poussière, ils sont venus de toutes parts de cette terre en espérant ma miséricorde et en ayant peur de mon châtiment. Alors qu'ils ne m'ont pas vu, qu'aurait-il fait s'il m'avait vu? Et Allah Azza wa Jalla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu avais comme péché le nombre des jours depuis le début de la création de la terre, ou bien un nombre comparable à la pluie ou aux gouttes de pluie qui tombent du ciel, Allah subhanahu wa ta'ala te les pardonnera. Et quant à ta lapidation des stèles, ce sera une récompense pour toi. Et quant à ton rasage de ta tête, tu auras pour chaque cheveu qui tombera une récompense. Et lorsque tu feras ton tawaf autour de la maison sacrée, tu sortiras de ce tawaf purifié de tes péchés comme tu es sorti. Comme le jour où tu es sorti du ventre de ta mère. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لحج بيت الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من حجاج بيتك. اللهم اجعلنا من حجاج بيتك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. واقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا تراصوا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل استووا الله

الله أكبر.